L'ascension fut donc hâtée. « Courage, courage, mes amis !» criait Glenarvan. En moins de 5 minutes, ils atteignirent le sommet du mont. « Descendons !» s'écria Glenarvan. « Descendons, avant que le chemin ne soit coupé !» Mangnab les arrêta et dit « C'est inutile, Glenarvan, voyez !» L'assaut de la montagne venait de cesser, comme par un mystérieux contre-ordre. De la main, John Mangle leur montrait une petite forteresse élevée au sommet du cône. « C'est l'Oudoupa, le tombeau du chef Karatété !» s'écria Robert. Une large ouverture, recouverte de nattes, y donnait accès. Un Maori était là, vêtu d'un grand manteau de formium. « Asseyez-vous donc, mon cher Laure, le déjeuner vous attend !» C'était Paganel. Puis chacun suivit Paganel, qui sortit de la tombe. Les Zélandais étaient à la même place. « Criez, hurlez, époumonez-vous, stupide créature !» dit Paganel. « Je vous défie bien de gravir cette montagne !»« Et pourquoi ?» demanda Glenarvan. « Parce que le chef y est enterré. Parce que ce tombeau nous protège. Parce que la montagne est tabou. » « Tabou ?»« Oui, mes amis, et voilà pourquoi je me suis réfugié ici. » Ce n'était pas encore le salut du fugitif, mais un répit salutaire. « Avant 2 jours, dit Paganel, nous serons hors des atteintes de ces coquins. »« Nous fuirons, dit Glenarvan. »« Mais comment ?»« Je n'en sais rien, répondit Paganel, mais nous fuirons tout de même. » Alors, chacun voulut connaître les aventures du géographe.